boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Ce soir, Pop and Rock accueille à nouveau le duo rock de Clinique Rodeo. Et ouais, Clinique Rodeo et Joy sont dans Pop and Rock, pas vrai Joy ? Clinique Rodeo est sur Pop and Rock. Et on en est super content. Allez, tout de suite, un second titre de Clinique Rodeo. I was lost in a dangerous world. With a dangerous girl. Let us die in a right place. We were lost in a strange place. We were lost when we we were lost in this fucking hell. We were lost when we met. The devil in Vertamine. She was mad. The guy with Soyons clairs, il est rare d'adhérer à un groupe comme Pop & Rock adhère aux 4 albums de Clinique Rodeo. C'est donc un gars et une fille, et ce soir, on finit la découverte de leur premier album, Virtual Mind, après Psychotel et justement Virtual Mind. C'est au tour de la 6ème et dernière piste de leur premier album, d'emplir votre cervelle. C'est donc No Sense, par Clinique Rodeo, toujours dans Pop & Rock sur la trail locale RVR. Place where I've slept has been never seen. An open door, closed window, show me the way. Like an empty way, no bodies, no souls, just the emptiness of my lost spirit. And I slept until the end of the night, and I dreamed until the end of my breath, and I cried until the end of my tears. And I scream until the end of my voice. Place where I've learned has been never safe. A little man with a watch out, show me the words. Riding on a boat, no meaning, no sense. Just the sickness of my lost spirit. And I read until the end of the world. And I drew until the end of my pen. And I dug until the end of the earth. And I ran until the end of the road. Dust in our taste in my mouth is coming faster. Along a wide corridor, the water's running, is yet in my ears. I can't wait to sleep. I can't wait to sleep. And I spoke until the end of my lungs, and I drank until the end of my liver. And I hate until the end of my stomach. And I watch until the end of my eyes. Sûr que si vous découvrez ce soir Clinique Rodeo, vous serez surpris que Joy et Ad soient un pur produit de la scène parisienne. Vous avez aimé ? Soyez tranquille, on attaque la semaine prochaine l'écoute de leur second album sorti en 2013, ça s'appelle Beverly Hills, mais pour le moment... Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. My brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? la scène anglo-saxonne est bien présente dans pop and rock sur la très locale Hervière, il faut aussi se dire que les Français restent une part importante de nos programmations. De Clinic Rodeo à Oslo Tropique en passant par Varsovie, avec souvent de la musique noire, froide, voire glaciale, comme tout de suite avec Von der Waal. We'll be right back. Et ce soir, des Angevins de Vondorval aux Rouennais de We Hate You Please Die, il n'y a que le temps d'un speak de votre serviteur. Hein ? Quoi ? On parle de moi ? Ça suffit, la voix off. Allez, ce soir, on n'a pas froid aux yeux, on multiplie par deux le taux de Rouennais dans Pop and Rock. Tout de suite, un second titre de We Hate You Please Die, Barney. Back. dis donc, là, tout à l'heure, j'ai pas bien compris cette histoire de serviteur, là, de qui tu parlais, de moi ? Ouais, écoute, ça suffit, la voix off, continue, fais ton boulot. Bon, ok, bon, donc, Pop'n'Rock, c'est tous les lundis entre 17h et 18h sur le 104.6 sur Rouen et sa région sur RVR. Merci, la voix off. To another candlelight. Ce soir, Pop & Rock fera la part belle au groupe français, mais bien sûr, pour ces genoux français, on avait besoin de parrains sûrs et reconnus. Tout à l'heure, c'était Bowie, et à l'instant, on vient de profiter du magnifique Dirty Boots de la bande de Thurston Moore, le Sonic Youth, qui introduisent à présent les Français fous furieux, deux sur scène, mais énorme énergie, on aime ou pas, en tout cas, Pop & Rock valide, le duo parisien, encore un, c'est Quai Bondy. Shit. Quai Bondy est dans Pop & Rock sur la très locale RVR. Hé, c'est pas faux la voix off, merci. We'll be right back. c'est clair, le rock français est multiple, le rock français est amoureux de la langue de Shakespeare, le rock français est vivant, comme à nouveau un duo, cette fois-ci franco-new-yorkais, Pearl Snakes chante Nobody's Beach. Leur Snakes, c'est la douceur de leur Nobody's Beach, mais aussi la force de leur Snake Roll. We'll be right back. Une exception ne faisant pas la règle, on se fait une petite triplette avec Eugénie qui chante enfin en français et Peter qui s'amuse sur sa guitare. Tout ça, ça donne Serpent par Pearl or Snakes. Pour finir ce pop and rock très cocardier, on va revenir à la langue de Molière qui peut aussi s'accommoder du rock comme avec la chanteuse écaillée à la voix éraillée. Ouais, Orly Chap arrive dans Pop and Rock. Des enfants se font barbecuter par les huiles ultraviolets ou des mamans si de la belle et fond marin se planquait. Des papas font la cour aux mouettes de bourrelets, baiser pétrole, gasoil. Et papa s'envole. Yeah. jeunes font surfer les mamies en bikini. Mémés bercés par des vagues empoisonnées qui les chahutent et guettent leur chute. Le petit requin égaré au large s'est fait mordre par la petite Charlotte qui creule à la dalle. Si le frigidaire est vide, la mer est pleine. Si le frigidaire conserve, la mer boite. Soleil carré sur une mer mauve. Soleil carré sur une mer mauve. Soleil carré sur une mer mauve. Soleil carré sur une mer mauve. Soleil carré sur une mer d'eau. Soleil carré sur une mer d'eau. Nous tire l'amour rouge, la grimace de détresse. Et la baleine chante au petit poisson. Les eaux sont mauvaises, elles sont polluées de ces touristes qui regardent la mer d'un œil l'été de leur cap borné. Orly Chap, notre premier cadavre exquis du rock pour ce soir. Orly Chap, parmi tous les vivants, auprès desquels je vous propose de revenir vite, les Toulousains de Oslo Tropic qui ont sorti en 2021 leur premier EP et on les retrouve tout de suite avec Aquarium. We'll be right back. Ce soir, Pop & Rock vous a offert le rock français d'aujourd'hui vu par nos yeux, avec bien sûr l'aval et le parrainage de Bowie et des Sonic Youth. Mais pour valider tout ça, quel meilleur parrain que Bob Mould ? Longue vie au rock français et rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et bien sûr, bis à tous. Encore quelques instants, moi je vous envoie un troisième Bob Mould. Allez, bis à tous.